15, le chant de la victoire. Je chanterai l'Éternel, car il a jeté à la mer le cheval, le cavalier.